Ça sort bien, ça. La batterie. C'est quoi ce logiciel de batterie ? set him wild as he lived on. Jimmy did a papa, did a Hey. Et est-ce que ma voix n'est pas trop forte? Every day I'm alive, I try to be a good boy, but it's not real easy for me. And when I talk to my friend, I say the same thing of me, so difficult to be lucky or morning. Dès que l'hiver semble vouloir tourner le dos, le passé ressort de l'ombre à pas de loup. Alors la bête ne fera qu'une souvenir serré et pris par l'œil mauvais de la conscience. C'est qui a écrit ça? Et l'on se souvient, on voudrait oublier, et l'on revit, on reprend la route, la chanson. s'écoule dans le creux de ma main. Mon esprit s'égare, j'ai peur du lendemain. Thank you. Thank you.